C'est chant des loups. Ok, ok. B-A-D-Y, Salazet Plus, A-K-E-L-A, A-K-A le grand. Z-J, Ziggy Ziggy Style, c'est Négri. Négro, t'as pas compris, on est grillé. Allez, rigole un peu. Dis pas qu'on est grillé. Dis pas qu'on est grillé. Zéab, t'as vu mes babs, mes raps ça m'est asé. Boogie gangster, l'oxé, crâne rasé. Grillé parce que ta boîte, on l'a déjà embrasé. Grillé parce que ta meuf, on l'a déjà embrassé. La vie est un enfer, non plutôt un brasier. Braza, brazou, les mêmes qui portent les bracelets. Les mêmes geôliers, mais pas les mêmes joueries. Les mêmes colliers, les mêmes putes, bref, les mêmes conneries. On veut la pink Cadillac, à côté la biache. Dans sa poche, la liasse et les ponts versables. Porter le Glock ou le Magnum. Vend les boîtes, faire péter le Magnum. M'avoir une villa à la Magnum. La money, les momies. Tu me connais, je suis assez coriace pour de la monnaie. Grillé, parce qu'on veut tous briller. Grillé, pour une histoire bien. Grillé, cherchant des loups dans les magazines. Grillé, dans les mercos, dans les limousines. Grillé, en boîte en train d'empoigner les cousines. Grillé, on vient au col aller à la résine. Grillé, lâchant des loups dans les magazines. Grillé, dans les mercos, dans les limousines. Grillé, en boîte en train d'empoigner les cousines. Grillé, on vient au col aller à la résine. Akela, Eke et la KP et Masta. BM, Jaguar et Merco, jamais les Masta. Grillé parce qu'on est black frère. Pour briller, tu sais ce que je suis prêt à faire. Toujours au fichage. Je suis la cause de ton éclipse. Mec, je brille comme Eclipse. Lyrics violents comme les Blood and Crips. C'est plein d'ellipses. Si tu sais lire entre les lignes. Si tu sais ouïr entre les rimes. Nous sommes des négros. Et c'est pour ça qu'ils appliquent la technique que de la terre brûlée. Nous sommes des négros. Et c'est pour ça qu'on applique la technique que de la tête brûlée. Yégri comme un jeune sale enfoiré. Yégri comme un jeune squal en soirée. Y'a un temps pour tout, frère, ne perds pas le tien. Un temps pour nous, sœur, ne prends pas le mien. Grillé, lâchons des loups dans les magazines. Grillé, dans les mercos, dans les limousines. Grillé, en boîte en train d'empoigner les cousines. Grillé, on vient au col aller à la résine. Grillé, lâchons des loups dans les magazines. Grillé, dans les mercos, dans les limousines. Grillé, en boîte en train d'empoigner les cousines. Grillé, on vient au col aller à la résine. On est crié parce qu'on veut crier. On est crié parce qu'on veut crier. On est crié parce qu'on veut crier. On est crié parce qu'on veut crier. On est crié parce qu'on veut crier. Choisi, fais ses choisis, j'compte. Gagner car lose, it's for lose. J'suis compte de champagne cruise. Coloré de casse, it's alocas. Pélocas, là où ça pue le fric, c'est la vie d'aloca. J'suis bien qu'à 6 mois, si bien que j'vais arroser mes comptes d'alcool. Comme la rose, d'accord. Un putain de chiffre suivi de 6-0 tout rond. Si on demande qu'un héros, merde, courant. La vie est courte et j'ai choisi d'être lâche. J'en ai plein le dos qu'on j'y mets ma croix. Pour ma part, j'ai choisi d'être là. Pour ma part, blé, me faire la part belle. Parbleu, avec l'un des barbares à la. Grillé, lâchons des loups dans les magazines. Grillé, dans les mercos, dans les limousines. Grillé, en boîte en train d'employer les cousines. Grillé, on vient au col aller à la résine. Grillé, lâchons des loups dans les magazines. Grillé, dans les mercos, dans les limousines. Grillé, en boîte en train d'employer les cousines. Grillé, on vient au col aller à la résine.